Eh bien, bonjour, bonjour, c'est Dominique sur Radio Gémozo 107 FM. Aujourd'hui, deuxième petit épisode, hein, si on peut dire, de cette nouvelle, Les Noces Fabuleuses du Polonais. Elle est écrite par Fouar Laroui, qui est donc un écrivain maroco-néerlandais d'expression française qui vit en ce moment à Amsterdam en tant que professeur dans une université libre. Un tout petit résumé, hein, je vais vous présenter les personnages. On est donc dans une région marocaine qui s'appelle Kouribga, sur une immense mine de phosphate. Les dirigeants de ces mines ont fait venir des Polonais en tant que médecins, gynécologues, dentistes. Et notre dentiste polonais s'appelle donc Maciek. Maciek, lui, s'intéresse plus aux habitants du cru et aux ouvriers pour apprendre leur langue, une langue un petit peu dialecte, hein, on va dire. Et Maciek adore les femmes. Alors, les ouvriers vont l'aider un petit peu et ils vont lui proposer un mariage pour faire semblant. Donc, j'en suis là. Donc, le vendredi arriva, comme convenu. Maciek retrouva Moussa au café de la poste. Bientôt, ce fut un petit groupe d'ouvriers hilars qui entouraient les deux hommes. Le Marocain avait entrepris de faire apprendre par cœur aux Polonais, en vue de sa conversion, la formule rituelle « La ilaha illa illa Muhammad Rasul Allah ». Je vais vous la traduire. « Il n'y a de Dieu que Dieu, Mohamed et son envoyé ». Ravi, Maciek s'appliquait à la répéter. Chacune de ces tentatives déclenchait une salve de rire. La prononciation du H mouillé et le roulement du R posaient problème. Mais enfin, l'enfant de Pilsudski réussit à retenir la formule et à la prononcer à peu près correctement. On l'applaudit, il offrit une tournée. Une heure plus tard, rasé de près, coiffé, parfumé, vêtu de sa djellaba blanche immaculée, Maciek se retrouva avec Moussa dans une espèce de boutique où l'on pratiquait sans doute le commerce de l'ineffable, puisqu'il ne s'y trouvait absolument rien, aucune marchandise, pas même un comptoir, sinon deux chaises, une sorte de guéridon et au mur encadré, un verset du Coran flanquant le portrait du roi Hassan II en tenue militaire. Deux hommes entrèrent bientôt, l'air grave, engoncés chacun dans une djellaba sombre. Après quelques salutations auxquelles Maciek ne comprit rien, à tout hasard, il hochait la tête, s'inclina trois fois à 45 degrés et esquissa même une génuflexion, comme si Kouribga fût soudain devenue à la fois japonaise et catholique. Après les salutations, donc, d'usage, Moussa planta son coude dans le flanc de son compagnon. C'était le signal convenu, lequel s'éclaircit la voix et, se retenant de rire, récita. Laïlaï, laïla, yalala, mokamib, rasoul, laïla. Bon, je l'ai dit aussi mal, donc je ne vais pas me moquer. Les deux adoules, car c'était des adoules, on l'aura compris, froncèrent le sourcil, se consultèrent du regard. Ainsi torturés, la formule était-elle valable? Ils chuchotèrent un instant, puis décidèrent, je suppose, qu'en islam, seule l'intention compte, et ils admirent, sans plus tarder, que le bonhomme rose et blond dans l'Oumma, la communauté des croyants. L'un d'eux tira un document de sa poche, alla le compléter dans un coin, puis revint le remettre solennellement à l'homme qui était musulman depuis environ 3 minutes. Sur un signe de Moussa, son tout nouveau corollégionnaire remit une enveloppe avec la somme convenue aux deux comédiens, auxquels il adressa de surcroît une œillade complices. Ils restèrent de marbre, c'était des pros, et s'en allèrent. Bacek éclata de rire. Qu'est-ce qu'on s'amusait à Korymga. Le lendemain, samedi, était le grand jour. Moussa, aidé de sa nombreuse famille, avait bien fait les choses. On aurait dit un vrai mariage. Tout y était. « Que dois-je faire ?» demanda Matchek, l'œil brillant, en ouvrant le portail de sa villa pour laisser entrer Moussa et les dizaines de personnes qui l'accompagnaient et qui apportaient des plats, des miches de pain, des cartons, des tagines, des paquets de toute taille, des bouteilles et des verres. Le Polonais avait revêtu sa belle djellaba blanche. « Surtout ne fais rien !» répondit Moussa. « D'accord. » Il y eut d'abord un grand déjeuner dans l'immense salon de la villa, ainsi que dans le jardin. Le salon où les hommes se réunirent était à peu près vide. Matchek habitait seul, comme on le sait, et il n'avait jamais pris la peine de meubler sa maison. On alla donc emprunter des caisses de bois dans un atelier voisin qui appartenait à l'office et on s'en fit des sièges en posant dessus des coussins ou des journaux. On découvrit des piles de journaux dans un appentis, dans un coin du jardin. C'était un legs du précédent locataire. Quatre caisses posées l'une contre l'autre figurèrent une table rectangulaire qui convenait parfaitement aux agapes qui se préparaient. Quand les préparatifs furent achevés, on s'attabla avec entrain. On ne s'embarrassa pas de couverts. On mangea avec les doigts, dans la joie et la bonne humeur. Il faut dire que les ouvriers avaient peu d'occasion de faire bonne chère et sans payer leur écho. Les femmes étaient ailleurs, dans le jardin, dispersées autour d'un chêne majestueux, picorant dans de grands plats en émail, jetant des coups d'œil émerveillés autour d'elles. En somme, pour ces cœurs simples, c'était ce jour-là un pique-nique improvisé dans un pays exotique. Certaines de ces femmes connaissaient ces bâtisses opulentes construites par Alfred Bouger dans les années 40, ou du moins elles en connaissaient une, où elles trimaient dur comme femmes de ménage et où elles n'avaient pas le temps d'admirer le décor. Mais pour la plupart d'entre elles, c'était la première fois qu'elles mettaient les pieds dans une villa d'ingénieurs. Et il avait fallu qu'un dentiste venu d'ailleurs leur en eût ouvert le portail. Elle mettait les bouchées doubles, au propre comme au figuré. Moussa et ses acolytes n'avaient pas lésiné sur la dépense. Après tout, c'était le Polonais qui régalait. Couscous, méchoui, poulet farci, moutons, amandes, pastilla. On fit bombance. Le fiancé putatif était ravi. Il suçait ses doigts dégoulinant de sauce et se resservait, piochant au hasard dans les plats qu'on avait disposés sur les caisses de bois, demandant leur nom, notant ceux-ci dans le petit carnet qui s'ornait maintenant de taches de graisse. Tous les ouvriers du coin étaient de la fête, ainsi que quelques contremaîtres dubitatif. Ils ne comprenaient pas vraiment ce qui se passait dans cette ville-là, mais la nourriture était alléchante. Circonspect, il veillait à ce qu'aucune familiarité déplacée ne s'installât entre eux et ces hommes qu'ils auraient à commander le soir même ou le lendemain. Les mines tournaient à plein rendement. On faisait les 3-8. Les contremaîtres ne s'attardèrent pas. Aucun ingénieur n'était venu. Il rechignait à se mêler aux ouvriers. Ni aucun Polonais. Une noce pour rire. Il trouvait la plaisanterie saumâtre. En refusant l'invitation de Matchek, il n'avait fait, à vrai dire, que prolonger la quarantaine dans laquelle il le tenait depuis quelque temps. Il l'évitait, le saluant à peine si d'aventure leurs chemins se croisaient. Il s'était, à leurs yeux, marocanisé. Et encore, il n'était pas au courant de sa conversion. Chiqué ou pas, un tel geste les eût horrifiés. On se passa de ces rabat-joies. Deux adoules étaient là, qui s'empiffrèrent comme tout le monde, et même un peu plus, avec une autorité naturelle qui leur assurait les meilleurs morceaux. De temps à autre, ils s'arrêtaient pour réciter à mi-voix une formule propriatoire, puis se resservaient. À l'issue du repas, Matchek fit compter devant eux, en beaux billets craquant neufs, la somme d'argent que lui avait indiqué Moussa. « Pourquoi je les paye, eux ? Qui sont ces deux messieurs ? » chuchota-t-il, ayant pris l'air curieux et intéressé de l'ethnologue qui va sur le terrain. « Ce sont les Adouls, ce sont eux qui rédigent l'acte de mariage et qui l'authentifient en le signant. » « Ah d'accord, c'est pour rire !» Il pouffa. « Et lui là-bas, qui fait semblant d'empocher l'argent, c'est qui ?» Les Adouls avaient remis la liasse de billets à un vieillard mélancolique qui la fourra dans sa djellaba sans mot dire. « C'est le père de Daouya, » affirma Moussa. « D'accord, le papa, » murmura le Polonais attendri. Des musiciens jouaient sous la treille, un peu à l'écart. D'accordes femmes, dont on subodorait qu'elles étaient de la famille de Moussa, apportèrent des sofas, des tapis, des coussins et même des clous. À la grande stupéfaction du Polonais qui se demandait ce que diable des clous venaient faire dans cette gigantesque farce. On n'allait quand même pas le crucifier. C'était bien la peine de s'être converti, même pour rire. Il chassa vite cette inquiétude saugrenue. Tout allait bien. Tout allait merveilleusement bien. Quelqu'un lui servit un verre de vin rouge, un produit de la région. « On boit du vin dans les mariages marocains ? » demanda-t-il ébahi. « Bois et tais-toi, lui répondit-on. « D'accord. » Des femmes entrèrent par la cuisine et allèrent aménager une sorte d'alcôve dans une des pièces que le Polonais n'utilisait pas. Elles empilèrent des matelas les uns sur les autres. Une sorte de cloison branlante s'éleva ainsi, derrière laquelle on disposa un autre matelas sur le sol. S'étant levé pour aller aux toilettes, il passa devant la pièce et aperçut l'étrange échafaudage. « C'est quoi ça ? » demanda-t-il à Moussa. « On stocke des matraques ? Pourquoi faire ? Tout le monde va dormir chez moi cette nuit ?»« Mais non, tu n'y es pas !» Moussa secoua la tête comme s'il parlait à un abruti. « C'est dans cette chambre que tu vas passer ta nuit de noces. Les matelas, c'est pour amortir les bruits. » Interloqué, Matchek balbutia. « Ma nuit de... » Il resta silencieux quelques instants, puis un sourire incertain éclaira sa face de Pierrot et il cligna de l'œil. « Ah, c'est pour rire !» Tout de même, ces événements commençaient à le dépasser. Il prit le parti de hocher constamment la tête, comme s'il en était le grand ordonnateur. Son cerveau se mit à fonctionner au ralenti, l'ethnologue perdait pied. « Où est cette fameuse Daouya qui va jouer le rôle de ma femme ?» s'enquit-il auprès de Moussa qui se tenait constamment près de lui, écartant son ménagement quiconque voulait parler au Polonais, se permettant même de tenir tête à un contremaître qui, trouvant l'affaire bizarre, venait s'en informer auprès du principal intéressé. « Daouya ? Elle est où, Hammam ?» Allumant une cigarette, il détailla complaisamment la scène. La fiancée arrivait, escortée de parentes et d'amis, au hammam. Les taïabats l'attendaient à la porte. Elle lui faisait une sorte de huée d'honneur, puis la conduisait en une joyeuse procession dans la salle la plus reculée, la plus chaude des thermes, tout en poussant des « youyou, youyou !» Toutes ces femmes dans le bain. « J'aurais bien aimé voir cela !» saliva le Polonais qui avait oublié ses inquiétudes. « Interdit aux hommes !» Et Moussa, impitoyable, continua de chauffer à blanc le dindon de la farce. Deux femmes, des parentes, déshabillent lentement la jeune fille. « Ah ! Qui doit garder constamment les yeux fermés, les lèvres closes ? Pourquoi ? Il y a des mouches ?» s'étonna l'autre. « Non, c'est par crainte des nyun, des djinns. Ils ont le droit de regarder et moi non. C'est pourtant moi qui paye. Je veux regarder. Allons au hammam. Non, toi tu es un djinn roumi. Tu n'as pas le droit de fréquenter ces endroits-là, ricana Moussa. Hum, d'accord, raconte. Moussa continua son exposé ethnographique, mélangeant la darija et le français. Des seaux d'eau tiède sont rangés là. Les tayabats puisent successivement dans chacune des seaux et versent l'eau sur la tête de la fiancée. « Ma fiancée ?» fit le Polonais en clignant de l'œil, la bouche tordue en un rictus grivois. « Elle est toute nue ? Ariana ?»« Non, elle est habillée. Et on lui verse de l'eau dessus. Les vêtements doivent coller. J'aimerais voir ça. Allons au hammam ?» « Interdite !» Oh là là, soupira l'autre dépité. Un temps. « Dis donc, cette histoire de bain, vous poussez le réalisme très loin, s'étonna le Polonais. Ce n'était pas vraiment la peine, surtout si c'est interdite. Pour moi, à quoi ça sert ?»« Nous autres, couribes Guisse, on ne fait pas les choses à moitié. » Rêveur, le fiancé murmura. On dirait un rite de, comment dit-on, osixeni. Ça veut dire purification. C'est ça, c'est exactement ça, répliqua Moussa qui n'avait pas compris. On fit bombance et on s'amusa tout l'après-midi. Il y eut l'inévitable bagarre entre ouvriers et méchés, mais on eut vite fait d'expulser les deux coupables qui roulaient sur le sol du salon, agrippés l'un à l'autre, se mordant et s'insultant leur race. Ils se réconcilièrent au pied d'un effilier, écroulés et sentimentaux. Le soir venu, les amis de Maciek, c'est-à-dire les ouvriers qu'ils avaient l'habitude de rencontrer au café de la poste, le prirent sur leurs épaules et ils firent dans cet étrange équipage le tour du jardin, pendant que les femmes applaudissaient et poussaient des « you-you ». Le Polonais se trémoussait et levait les deux bras au ciel comme s'il venait de marquer un but. C'était la pleine lune, ce qui donnait un aspect Israël aux gazons et aux arbres du jardin. Des passants entraient sans façon et s'installaient, qui au pied du chêne, qui dans le salon, qui sous la treille. Après quelques minutes, ils s'enhardissaient à taper des mains en cadence, demandaient discrètement le nom du marié. Puis ils allongeaient la main et quelques minutes plus tard, on les voyait engloutir des gâteaux et écluser le thé avec l'assurance de ceux qui sont dans le coup. Enfin, Daouia parut. Accompagnée par deux autres femmes, elle entra discrètement par le portail. Le fiancé, de nouveau juché sur les larges épaules des ouvriers, releva le capuchon de sa djellaba blanche, quoique maculé maintenant de toutes sortes de taches, graisse, gazon, vin. Il releva donc le capuchon qu'on avait rabattu sur sa tête et la fixa des yeux. Que dis-je ? La contempla, stupéfait. C'est qu'elle était belle. Daouia, très belle. Du type local de beauté. Quand le berbère s'allie à l'arabe, il a lien. Mais pourquoi avait-elle l'air si triste ? Ses yeux sombres, agrandis par le kohl, étaient aussi ravissants que mélancoliques. En somme, la comédienne ne jouait pas très bien son rôle. Encore une qu'on avait embauchée que sur son apparence physique. Maciek en fut légèrement contrarié, puis n'y pensa plus, on s'amusait tellement. Un orchestre de Tchekate arriva et s'installa sur une petite estrade que les ouvriers avaient fabriquée le matin même à côté de l'abricotier. Les violons se mirent à grincer, les tambourins à marquer le rythme. On se mit sur le champ à crier et à taper des mains. D'un bond, Moussa se précipita sur les prises électriques, coupa la sono. Il ne voulait pas provoquer l'ire des ingénieurs des villas voisines. Si bien que ce fut presque en sourdine que les check-out chantèrent leurs textes suggestifs. les Caltechs échauffèrent tellement les ouvriers qu'une nouvelle bagarre éclata. On exila les hooligans sous le nez flié, comme ces deux-là qui s'étaient battus dans le salon. Une tradition était née. Bien entendu, Matchek voulut danser. Sa petite taille, son embonpoint, sa djellaba, qui s'effilochait et se salissait, tout concourait à rendre la chose ridicule. On fit cercle autour de lui, il se déchaîna, il s'amusait comme un fou, et les autres encore plus. Daouia, elle, ne participait pas à ces liesses. Elle était allée s'asseoir avec une de ses cousines sur une chaise de l'autre côté de la villa. Là, où un mince filet d'herbe longeait l'entrée du garage et les deux femmes causaient à voix basse. Matchek alla jeter un coup d'œil par là et en revint contrarié. Il se promit de s'en plaindre le lendemain à Moussa. Qu'est-ce que c'était que cette comédienne maussade et ses humeurs de diva ? Finalement, la noce prit fin. Les musiciens remballèrent leurs instruments et un silence irréel succéda au tapage. Les invités bâillaient ou clignaient des yeux, fatigués, repus et commençaient à s'en aller, faisaient grincer le portail. Quelques hommes, menés par Moussa le demi-urge, raccompagnèrent le couple jusqu'à la pièce où s'étageaient les matelas. Et ils s'en allèrent. Le silence revint dans la villa. Tout juste ébréché par quelques bruits mal identifiés, c'était sans doute les caisses qu'on devait rendre à l'atelier, le sol qu'on lavait à grande houle, des plats qu'on remballait dans les cartons. Ahuri, Matchek regardait Daouia qui semblait vouloir s'éterniser. Elle s'étendit sur le matelas. Elle regarda son mari franchement, les yeux dans les yeux, puis commença à se dévêtir. Le cerveau du Polonais s'enfuit par les fenêtres. La nuit de noces fut, après tout, qu'est-ce que j'en sais ? Il paraît que Matchek en fut ravi, mais bon, il ne lui fallait pas grand-chose pour l'enchanter, ce grand enfant. Daouia était belle, un peu grassouillette, et le mieux n'est pas forcément l'ennemi du bien. Peut-être était-elle experte en glissons mortels. Se réveillant à moitié nu à côté d'une belle endormie enveloppée dans un drap, l'esprit encore embrumé par le bruit, la fureur, le vin et l'excitation générale, Matchek mit du temps à se rappeler qui il était et où il était. Puis il se leva sans faire de bruit et alla inspecter les lieux. La maison était vide et silencieuse. Comme les bruits étouffés la veille l'avaient laissé prévoir, Moussa avait eu le bon goût de tout nettoyer et de tout ranger, avec l'aide de sa famille et de ses amis. Pendant que Matchek accomplissait, pour rire, ses devoirs conjugaux. Quand il sortit de la salle de bain, douché, rasé, une bonne odeur de café enchanta ses narines. Daouia était dans la cuisine et fredonnait une chanson à la mode. Elle lui sourit. Il lui rendit son sourire. Elle lui tendit une tasse de café au lait. Il alla boire sous l'abricotier, l'esprit en panne. Il n'arrivait pas à penser. Il alla au travail dans un état second, envahissant mécaniquement les bouches qui s'ouvraient, jouant avec dextérité de la fraise, du miroir et de la spatule, notant des noms et des dates dans le cahier idoine. Quand il revint chez lui, le portail était fermé. Il l'ouvrit avec ses clés après avoir garé sa voiture le long du trottoir, traversa le jardin et entra dans le salon. Daouia l'y attendait avec une théière aux doriférantes et un plateau de petits gâteaux. De la cuisine provenaient d'autres odeurs tout aussi appétissantes, sans doute de la harira. Dans l'état de sidération où il se trouvait, Matchek n'eut d'autres ressources que de boire son thé et de croquer ses cornes de gazelle en silence. Il sortit tailler ses rosiers, joua avec un chat qui avait pris possession du jardin quelques semaines plus tôt et se plongea dans un Maigret, c'est ainsi qu'il améliorait son français, en sus des mots croisés du matin du Sahara. Le moment venu, il se retrouva, toujours sidéré, dans les bras de Daouia. Il n'y avait plus qu'un seul matelas dans la chambre nuptiale où étaient passés les autres, mais il fit l'affaire. « Je rêve », se dit Matchek avant même de s'endormir. Le lendemain, il but le café préparé par sa femme et s'en alla perplexe. Le soir venu, il eut la surprise, en rentrant de son cabinet, de trouver Daouia assise sous le bel abricotier du jardin, en grande conversation avec une de ses cousines. Les deux jeunes femmes lui firent un grand signe de la main. Il leur rendit machinalement leur salut, hésita, puis fit demi-tour et alla tout droit au café de la poste. À cette heure, il était sûr d'y trouver Moussa. Effectivement, l'homme était assis à une table sirotant son thé. Matchek entra immédiatement dans le vif du sujet. « Dis donc, Moussa, encore merci pour ce superbe mariage pour rire que tu m'as organisé. Vraiment, c'était superbe. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi la jeune actrice est-elle encore chez moi ? Elle prend ses aises, on dirait qu'elle s'installe. » Moussa, un peu gêné, tout sauta et rétorqua. « Tu aimes bien Daouia, non ?»« Ben oui !» répond Matchek, dont les sens s'éveillaient rien qu'à entendre le joli prénom. « Mais n'a-t-elle pas autre chose à faire qu'à passer toutes ces journées ?»« Et toutes ces nuits ?» l'interrompit Moussa, l'œil sévère. « Ah ben oui, les nuits aussi !» admit Matchek un peu gêné. « Après tout, vous êtes mariés !» lui asséna Moussa de plus en plus sévère. « C'est vrai !» gloussa Matchek en clinant de l'œil. « Hé hé hé !» répondit froidement Moussa. « Mais c'est pour rire, n'est-ce pas ?» demanda Matchek, l'air vaguement inquiet, les doigts tapotant nerveusement la table au-dessus de laquelle il s'était penché pour mener cette discussion. Je crois bien que je vais vous le laisser là, hein, pour cette semaine, encore une fois. Hein. Allez, on va mettre une musique de noces marocaine aujourd'hui. Hein. Allez, à tout bientôt sur Radio Guémozo. Passez une bonne semaine.